a dans l'air que l'on respire, comme une odeur, comme un malaise. Tous les rats s'apprêtent à partir. Ne vois-tu rien de ta falaise? Il y a dans les studios des lyres, comme un vieux son de Carmagnol. Sœur Anne, si tu ne vois rien venir, ou tu es sourde, ou tu es folle. Il y a dans les années qui viennent, comme un retour au vent d'histoire, un vieux partisan dans la plaine, croissant de lune et drapeau noir. Le vent ne sait plus où il souffle, ça tourbillonne, ça rend colère. Le cul posé entre deux gouffres, beaucoup plus profond que la mer. Rigolez pas, mes camarades, la débandade, c'est pour demain. J'ai des voyages en cavalcade, billets d'avion, chemin de fer. Je sens monter des barricades, comme des cailloux dans mes artères. Je tourne en rond dans ma caverne, moitié furieux, moitié soumis. Avec en prime à ma lanterne, une tristesse indéfinie. Rigolez. Qui passe, quand on est seul, quand ça va mieux, lorsqu'on remet nos rêves en place, qu'on s'imagine 20 ans plus vieux, quels sont les hommes qui pourront dire on a fait ce qu'on a voulu? Sœur Anne, si tu ne vois rien venir, c'est plus la